Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 2. Parole qu'a vue Isaïe, fils d'Amos, touchant Juda et Jérusalem. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne préparée pour la demeure du Seigneur sera établie sur le sommet des montagnes, et elle sera élevée au-dessus des collines, et tous les peuples y afflueront. Et beaucoup de peuples iront, et diront « Venez et montons à la montagne du Seigneur et à la maison du Dieu de Jacob. » Et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Parce que de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Et il jugera les nations, et convaincra beaucoup de peuples. Et de leurs glaives, ils forgeront des chocs de charrues, et de leurs lances, des faux. Une nation ne lèvera pas le glaive contre une autre nation, et ne s'exerceront plus au combat. Maison de Jacob, venez, et marchons à la lumière du Seigneur. Car vous avez rejeté votre peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils ont été remplis comme autrefois, qu'ils ont eu des augures comme les Philistins, et qu'ils se sont attachés à des enfants étrangers. Sa terre est remplie d'argent et d'or, et il n'y a pas de borne à ses trésors. Et sa terre est remplie de chevaux, et ses quadriges sont innombrables. Et sa terre est remplie d'idoles. Ils ont adoré l'ouvrage de leurs mains, l'ouvrage qu'ont fait leurs doigts. Et l'homme du peuple s'est courbé, et l'homme de condition est humilié. Ne leur pardonnez donc point. Entre dans la pierre, et cache-toi dans les creux de la terre, par la crainte du Seigneur et de la gloire de sa majesté. Les yeux altiers de l'homme du peuple ont été humiliés, et la fierté des hommes de condition sera abaissée. Mais le Seigneur seul sera exalté en ce jour-là. Parce que le jour du Seigneur des armées éclatera sur tout esprit superbe et hautain, et sur tout arrogant, et ils seront humiliés. Et sur tous les cèdres du Liban grands et élevés, et sur tous les chênes de Bassan, et sur toutes les montagnes les plus hautes, et sur toutes les collines les plus élevées, et sur toute tour la plus élevée, et sur toute muraille fortifiée, et sur tous les vaisseaux de Tarsis, et sur tout ce qui est beau à voir. Et l'orgueil des hommes du peuple sera abaissé, et la hauteur des hommes de condition sera humiliée, et le Seigneur seul sera élevé en ce jour-là. Et les idoles seront entièrement brisées, et ils entreront dans le creux des rochers, dans les antres de la terre, par la frayeur du Seigneur, et à cause de la gloire de sa majesté, lorsqu'il se lèvera pour frapper la terre. En ce jour-là, l'homme rejettera ses idoles d'argent et ses simulacres d'or qu'il s'est fait pour les adorer, les taupes et les chauves-souris. Et il entrera dans les fentes des pierres et dans les cavernes des roches, par la frayeur du Seigneur, et à cause de la gloire de sa majesté, lorsqu'il se lèvera pour frapper la terre. Laissez donc l'homme dans le souffle et dans ses narines, parce qu'il a été réputé pour le Très-Haut. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.